RMC, Intégral Tour. Oui, oui, allez! Oh là là, mais quel beau moment de cyclisme nous offre le coureur Total Énergie! Ah, ça oui, mon Richard. Quel braquet incroyable! Il est clairement en train de revenir, prêt à relever tous les défis. Avec un tel soutien du public pour l'équipe Total Énergie, ça donne des ailes. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Le meilleur du cyclisme se vit avec Total Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. IKEA! Papa, on mange quoi ce midi? De la flemme à la sauce, pas envie de cuisiner, avec une grosse boule de riz en dessert. Ok, et si on va chez IKEA, moi ça me va. Pendant le Summer Festival, du lundi au vendredi jusqu'au 29 août, tous les plats chauds sont à moins 50% dans nos restaurants avec la carte gratuite IKEA Family. Summer Festival égale festival d'été. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés. Noroto. On va faire 300 bornes avec ton ventilo branché sur l'allume-cigare? Mais non, t'inquiète, on va aller chez Noroto. L'entretien climatisation est à 64,95€. 64,95€? C'est pas vrai? Et si c'est vrai, chez Noroto, l'entretien climatisation sans limite de gaz est à partir de 64,95€ pour tous les véhicules avant 2013. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinion Way mars 2024. Tarif valable avec le gaz R134A. Les enfants! Attends maman, c'est le boss final là! Oh non, on a encore plus de vie, ça saoule! On peut avoir un nouveau jeu? Alors en vrai, vous n'avez qu'une vie, une seule. Et dans celle-là, il y a plus urgent. Le papillomavirus. Le quoi? Le papillomavirus, un virus qui peut provoquer des cancers. Hein? Et alors? Bah on va en parler tout de suite à un professionnel de santé. Cette maman a décidé d'agir pour protéger ses ados. Et vous? Contre les infections à papillomavirus, des moyens de prévention existent, comme la vaccination pour les filles et les garçons, en collaboration avec MSD. Allô? Faire une pub 1-2-3 par brise? Bah j'ai écrit un super avis Google, c'est déjà pas mal, non? Oui, j'ai eu une Nintendo Switch plus deux jeux pour mon changement de pare-brise, mais je suis pas comédien. Il y a 56 000 avis et 4,9 étoiles sur Google. Demandez à quelqu'un d'autre. 1-2-3 par brise, on n'a pas les meilleurs comédiens, mais on a les meilleurs notes Google dans la catégorie vitrage auto. Conditions sur 1-2-3-par-brise.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, chez Lidl, les fruits et légumes sont satisfaits ou remboursés? Tu veux dire satisfait? Ah non patron, satisfait avec la garantie satisfait ou remboursé. Si les clients Lidl ne sont pas satisfaits de la fraîcheur des fruits et légumes, ils peuvent être remboursés. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai patron. Chez Lidl, les fruits et légumes sont satisfaits ou remboursés sous 30 jours sur présentation du ticket de caisse. Voir conditions sur Lidl.fr. Lidl, partenaire fraîcheur de l'équipe Lidl Trek. Chérie, oui, devine qui vient encore me parler de Vérissure. C'est Franck. Oui, et il m'a dit, avec Vérissure, ma maison est protégée depuis l'extérieur. Si on rentre dans le jardin, stop, t'es repéré. Mais non. Si, il y a des détecteurs qui ont un haut-parleur pour interpeller les intrus. Attends, Vérissure parle au cambrioleur? Oui, la télésurveillance Vérissure les détecte et les met en fuite avant qu'ils rentrent chez toi. Il avait l'air très sérieux. Équipez-vous avant les vacances et profitez de moins 50% sur les packs sur Vérissure.fr ou appelez le 3110. Devis et installation en moins de 48 heures. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS. À tous ceux qui sont obligés de prendre l'accent quand ils cuisinent italien. Mozzarella, pasta, pizza! À ceux qui disent « Mamma mia » quand ils renversent de la sauce. Et à ceux qui disent « Bueno » quand tout est prêt. Ah non, ça c'est de l'espagnol hein, par contre. Intermarché vous offre 60% de remise immédiate sur le deuxième produit parmi une sélection de produits de la marque Galbani. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 août, transformé en Italie, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Renault. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est bientôt de retour. Une fois de plus, Renault s'y engage pleinement avec Renault 5, Renault 4 et Mégane E-Tech électrique, assemblés en France. Mais le nombre de bénéficiaires est limité. Alors, pour être les premiers à en profiter, inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr. Sous réserve des véhicules disponibles et conditions d'éligibilité, voir Renault.fr. Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Crayon à papier, stylo effaçable. C'est quoi encore cette histoire de stylo effaçable? À mon époque, on écrivait aux billes et on assumait nos erreurs. Et tu chassais le mammouth au déjeuner ou ça c'était seulement le week-end? Charmant. Et je les trouve où tes gadgets de l'espace? Dans le colis rentrédiscount.com posé sur la table là. Maman les a commandés hier en deux clics sur la plage pendant que tu ronflais. Rentrédiscount.com? Et je ronfle pas d'abord. Rentrédiscount.com, numéro 1 français des fournisseurs scolaires en ligne, même à la plage. Une urgence sur votre pare-brise? Appelez Carglass au 3044. 3044. Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise? Appelez Carglass au 3044. 3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Carrefour. Quand vous me dites manger plus de fruits et légumes, on en rêve tous. Eh bien, Carrefour vous propose les fruits et légumes les moins chers de France. Et oui, avec votre club Carrefour, c'est 10% d'économie tous les jours sur tous les fruits et légumes. Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Non cumulable avec les produits vendus en lot présents dans les catalogues et les promotions en cours. Détails produits concernés et magasins participants sur carrefour.fr. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux. Les 16 derniers kilomètres de cette 17e étape du Tour de France, le peloton qui roule sous la pluie et sur des routes détrempées en direction de Valls avec toujours 4 hommes en tête qui possèdent une toute petite trentaine de secondes d'avance sur le peloton qui les maintient à distance, qui les laisse mourir à petit feu, Pierre-Yves, parce que il y a très peu de chances quand même que les 4 échappés partis dès le début de cette étape parviennent à garder quelques mètres d'avance sur le peloton tout à l'heure à Valls. Hein. Exactement, j'ai mangé un petit nougat parce qu'on est tout près de Montélimar pendant la pause. C'est double goûté aujourd'hui. Double goûté pour Pierre-Yves Leroux. C'est important quand même de se restaurer pour les 15 derniers kilomètres. 30 secondes d'avance pour Mathieu Burgodeau, pour Quentin Paché et pour les garçons qui accompagnent ce duo, Jonas Abrahamsen et Vincenzo Albanese. C'est 30 secondes, Jérôme Pinault, ça va être compliqué. Est-ce que tu peux nous dire un mot de Quentin Paché que tu connais bien, qui est dans cette équipe Groupama FDJ, que tu as eu comme coureur? Est-ce qu'il est capable de le faire? Ah, il est non seul, non. Les quatre coureurs s'entendent encore très bien. Il y a une belle entente. C'est quatre très bons coureurs. Hein.